dance de la merde. Moi, moi, mes musiques de la merde. Un silence inconnu donné aux ténèbres. Moi, moi, moi aussi je déteste mes ennemis. Putain de violence, mais de violence d'ami en ami. Aussi au Messie, que le Créateur soit loué à jamais. Peuple d'iniquité, pardonnez, vous avez été pardonné. En effet, ses enfants restent à ses côtés. Donc vous créez un monde de misère, de guerre, de pouvoir en enfer. Silence, aucune valeur. Wa-wa, des heures de malheur. Wa-wa, ma musique de la merde, ma vie de la merde. Pleurez le monde insensé. Guerrier contre vos péchés. Et hey, yo, silence comme mauvais présage. Homme de science en apprentissage. Sauveur, sauveur d'un subconscient sous esclavage. Sorcellerie dans mes gènes. Silence de la merde. Ma musique de la merde. Ma vie de la merde, ma perception de la merde. Sachez que j'ai combattu en démon. Le ciel, ma thérapie, ma spiritualité, ma vie, mes écrits, ma pensée, mes soucis, ma destinée, que le ciel soit béni. Silence de la merde, ma musique de la merde, ma vie de la merde, ma perception de la merde. Sachez que j'ai combattu en démon. Le ciel, ma thérapie, ma spiritualité, ma vie, mes écrits, ma pensée, mes soucis, ma destinée, que le ciel soit béni. Vous donnez la guerre et vous craignez la, vous craignez l'amour. L'homme pleure ses mauvais jours. Sachez, oh, sachez que je n'ai jamais connu l'amour. Le diable et ses détours. J'ai construit seul ma destinée. Wa-wa, ma spiritualité, ma mémoire, ma pensée, ma musique, mes qualités. J'ai parlé seul, wa-wa, mes meilleurs amis m'en veulent. Wa-wa, j'ai vu la vie comme personne. Je suis dicté par mes meilleurs sons. Je sais lire l'avenir, capable de guérir. Je vis aux côtés de nuages, de conscience sage aux sages. Wa-wa, wa-wa, mourir tous les jours un peu. Wa-wa, wa-wa, le diable fait des heureux. Le ciel, ma destinée, ma spiritualité. Un silence inconnu par la haut. Rien ne dévoile, oh, rien ne dévoile. Aucune valeur, aucune valeur. Pour silence, j'ai combattu en démon. Silence de la merde, ma musique de la merde, ma vie de la merde, ma perception de la merde. Sachez que j'ai combattu en démon. Le ciel, ma thérapie, ma spiritualité, ma vie, mes écrits, ma pensée, mes soucis, ma destinée, que le ciel soit béni. Silence de la merde, ma musique de la merde, ma vie de la merde, ma perception de la merde. Sachez que j'ai combattu en démon. Le ciel, ma thérapie, ma spiritualité, ma vie, mes écrits, ma pensée, mes soucis, ma destinée, que le ciel soit béni. Que le ciel soit béni. Ma pensée, mes soucis, ma destinée, que le ciel soit béni. Silence, mauvais présage.